C'est le dur et vieux Languedoc, des camisards et des cathares. Salut des gouffres et des rocs qui se raidissent et se remparent. C'est le vieux Languedoc si doux que chaque saison des amarres pour le livrer au parfum doux dans des rasgados de guitare. L'horizon ramené à distance de bras dans le moutonnement des vignes qui s'échevellent et se signent sous un soleil en rut que rien n'assouvira un lent canal. Et ses écluses dansant au reflet de ses ruses d'un ciel où le vent grec claquerait comme un drap. D'un ciel où le vent grec claquerait comme un drap. C'est le dur des vieux Languedoc, aux mœurs sévères et bourgeoises, violées, brûlées, frappées des stocks dans ses demeures albigeoises. C'est le vieux Languedoc si doux, ivre des couleurs de novembre, lorsque les vignes sont au roux et que les vins virent à l'ambre. Des étangs gris et verts frissonnant de mistral et d'une folle de lumière vont faire de nuit au dieu solaire dans leur parure de mica et de métal. Et là-haut est perdu le consul ardent et assoiffé qui hausse ses calcaires ruinés comme un défi vital. Ses calcaires ruinés comme un défi vital. C'est le dur et vieux Languedoc, dragonné jusqu'au fond de l'âme par les cavaliers de Saint-Roch, portant sa foi en monogramme. C'est le vieux Languedoc si doux, lorsque les vents de mars apportent les senteurs fauves de Cordoue pour les poser au sol. Les yeux plissés, allant sur la plage leur scène, un vigneron posant sa benne pour aimer une fille au revers d'un fossé. Des ouvriers de corps voyage, et dans la nuit de son visage, un regard de mineur enfantin et lassé. Un regard de mineur enfantin et lassé. C'est le dur et vieux Languedoc, celui qui tient et se rappelle, pétré d'orgueil, froid comme un soc, et dont le cœur est citadelle. C'est le vieux Languedoc si doux, celui que le printemps dévore comme la flamme l'amadou, mais que nul point ne put. Et maintenant le vieux pays tragique et fier, à petit feu, mourant se couche. Parmi ses sables et ses souches, les derniers magiciens ont quitté leur enfer et ont rejoint ceux qui attendent que la Saint-Jean d'été commande à un continent fou de marcher vers la mer, à un continent fou de marcher vers la mer, à un continent fou de marcher vers chez nous.